Chapitre 3. Oh, vous pouvez remuer, monsieur le maire, nous ne sommes pas chez le photographe. Monsieur Darrel, la face congestionnée par l'immobilité, fut pris d'une quinte de toux qui dura 5 minutes. Un faux col trop empesé et trop étroit lui serrant le cou comme un carcan, et sa redingote boutonnée jusqu'au haut le gênait. Voulez-vous vous reposer un moment, fit Jean. C'est une idée, répondit monsieur Darrel en quittant le fauteuil. Monsieur le maire vint se poser devant la toile, et après l'avoir regardé attentivement, il planta son regard fixe dans les yeux de Jean, qui rougit. « Ah, vous trouvez, je parie, que ça ne va pas vite ? Je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas chez le photographe. » Ceci se passait au cours de la 8e séance. Pendant les 3 premières, tout avait bien marché. Jean était, en effet, assez sûr de son dessin. Il avait d'abord fait un portrait du maire au crayon. Avec un toupet superbe, il avait déclaré que c'était la nouvelle méthode. Il ne s'agissait plus que de plaquer de la couleur. C'est ainsi que, tout jeune, il coloriait les illustrations de son histoire de France. Mais depuis 5 jours, Jean vidait en vain ses tubes sur la palette. L'œuvre ratait. Il ne pouvait se le dissimuler. Ignorant les plus simples trucs, la valeur des tons, il se livrait à une débauche de plaques criardes, raclant et ajoutant la pâte, appelant en vain l'inspiration, sur laquelle il avait compté. « Combien de séances encore ?» fit M. Darrel. « Ce sera fini dans 1 heure, » répondit Jean. « Ah ça, vous me prenez pour un idiot !» cria M. le maire. Depuis 3 jours, M. Darrel était inquiet. Il ne se voyait pas ainsi, et ce barbouillage lui semblait extravagant. Comment ce galopin avait eu le toupet de ne point se pâmer devant les tableaux de la salle à manger, les toisant avec des airs supérieurs ? Il était de cette force-là ? Poli, il s'était contenu jusque-là, mais il en avait assez de passer ses habits de fête chaque après-midi, négligeant sa mairie, et désertant la pêche à la ligne, pour poser devant ce peintre de pacotille qui lui avait fait une tête ridicule. Il éclatait enfin. « Voyons, reprit-il, vous ne répondez rien. C'est tout ce que vous pouvez faire. Attendez un peu que je vous fiche l'argent de la commune pour continuer de pareilles cochonneries. Est-il comme ça, votre Tamerlan ?» Attiré par le bruit, la servante et le jardinier étaient entrés dans le salon qui servait d'atelier. Des rires éclatèrent. Depuis l'arrivée du peintre, on avait expressément défendu que quelqu'un entrât dans le sanctuaire où s'opérait le travail artistique. « Un portrait, avait dit Jean, ne doit être vu que quand il est fini. » Aussi les deux domestiques étaient intrigués et curieux, attendant impatiemment le jour où ils pourraient contempler la reproduction des traits de leur maître. Malgré la consigne, entendant des cris, ils étaient arrivés, effarés, et ouvrant la porte, ils se trouvaient devant le tableau, placé en pleine lumière, où s'étalait lumineuse, criarde, la grotesque caricature de monsieur le maire. « Ah, notre maître, mais ça n'est pas ressemblant !» Jean pâlit, le maire était violet, et les deux domestiques se tenaient les côtes, s'esclaffant. « Voyez-vous, hein, rugit M. Darrel, vous avez voulu vous moquer de moi. Sortez d'ici. » Jean, décontenancé, mit les tubes dans sa boîte, avec la palette et les pinceaux, et sortit en disant avec dignité « Je fais de la peinture et non de la photographie. » À peine était-il dehors qu'une fenêtre s'ouvrit. Il crut que le maire allait continuer à le poursuivre de ses cris, et il prit le pas de course, n'entendant pas M. Darrel qui gueulait « Tenez, emportez votre croûte !» Le tableau jeté dans la rue s'étalait sur le trottoir. La fenêtre s'était refermée.